Le mondialisme que tu parles, c'est d'autres choses. C'est un système financier qui est pas basé sur les pouvoirs régaliens des nations de frapper monnaie entre autres. C'est complètement d'autres choses. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut pas fonctionner. Moi, mon mondialisme, il peut fonctionner. Dans le sens que c'est tous des petits royaumes qui vivent entre eux autres, qui ont des tractations entre eux autres, qui ont des échanges entre eux autres. La diplomatie est très importante. Il n'y a rien de plus important que la diplomatie. Regarde Macron, il a fini ils ont plus de corps diplomatique. C'est fini. La France, c'était le pays de la diplomatie. C'est ça qui a fait sa force. Et lui, il a fermé ça. Tu sais, le mondialisme, comme ils veulent le faire, qui est juste un gros empire, un gros, c'est quoi, un gros, une grosse créature. Et dans le fond, c'est un peu comme, voyons, il y en a un Allemand qui a théorisé ça. En tout Ben, il y a cas, un grosse gros forme monstre de même, ça peut pas être viable. Il faut que ça soit de. toutes des petites bébites qui sont pognées ensemble. C'est ça, le mondialisme qui marche. Faut que les peuples, ils soient, faut premièrement, ça te parle de l'autodétermination des peuples. T'as besoin de tout ça. Faut que tu aies une reconnaissance aussi qui est liée au niveau géographique à des prérogatives de des peuples. C'est très important. C'est toutes des choses, ils ont flushé ça comme ça n'existait pas. Ils peuvent pas, ça peut pas marcher. Ça peut juste aboutir à un effondrement final. Puis, veut pas, il va y avoir morcellement, puis on va aboutir au mondialisme que moi je parle. Mais l'affaire, moi, c'est que je trouve que c'est pas nécessaire toute la souffrance, puis la marde, puis les problèmes qui s'en viennent pour se rendre compte de tout ça. Ça pourrait être évitable. On n'est pas obligé de la vivre, la catastrophe, pour se rendre compte. Mais ça, c'est ça qui me dérange. Là, le mondialisme, oui, comme le Forum économique mondial, puis tout, même au niveau. Dans le fond, là, ça, c'est le rêve des banquiers, des internationaux, mais c'est pas viable. C'est pas viable, mais ils ont eu de l'influence à travers, entre autres, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, qui font partie de la cohorte des jeunes leaders du Forum de Davos. C'est cyclique. Faut que tu aies des cycles, que tu as différentes affaires qui se. Comment je pourrais dire ça? Qui viennent l'un après l'autre. Là, le cycle des rois fous, genre Macron, Trudeau, idéalistes, puis qui sont plus dans la réalité, sont dans les idéologies, ce cycle-là, il est fini. Là, on va retomber, il y a un retour de balancier. Là, ils vont nous mettre des marionnettes, plus dans le style comme Poilievre, Trump. On retourne, là, tu sais, Plus c'est un des cycle, gens de faut qu'il y ait une droite alternance. que de gauche, qui vont être plus pragmatiques plutôt que dans le mouvement woke écologiste. C'est ça, c'est juste, il faut qu'il y ait une alternance des extrémismes. Parce que quelque part, c'est des extrémismes. Parce que c'est pas dans le sens que c'est extrémiste au sens de l'idéologie de l'action, mais c'est des extrémismes au sens où c'est une école totalement opposée tout le temps. Il faut que tu alternes. Ça, c'est le parlementarisme britannique, ça vient un peu de là. Je veux dire, regarde la Chambre des communes. Je veux dire, c'est fait, c'est une chambre. Je veux dire, t'as deux partis, t'en as un pouvoir, t'as un président. Bon, c'est le conflit triangulé, mais c'est stylisé comme une loge. C'est une loge franc-maçonnique, dans le fond, t'as un président, puis bon, puis c'est encore plus évident quand on regarde les Britanniques comment c'est fait. Mais il reste que ce modèle-là, il est lié à ce qu'on pourrait dire, il faut qu'il y ait une alternance des polarités. C'est comme ça, il y a un processus expansion-extension. Expansion, contraction. Puis ça respire comme. C'est Oui, une comme machine. C'est un peu comme l'inspiration, les physiocrates. expiration. C'est ça, comme les physiocrates, ils disent ça s'autorégule. Les devises circulent dans le système monétaire comme du sang dans le corps. Ça vient toutes des mêmes écoles, ça, des mêmes idéologies. C'est tout lié.